الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فإن من حكمة الله تعالى في عباده أن يبتليهم بالطواعن والأوبية العامة في بعض الأزمنة والأمكنة لتكون آية على تفرد الخالق سبحانه وتعالى على تفرد الرب العظيم بالخلق والملك والتدبير سبحانه وتعالى ولتكون آية على كماله وقوته وقدرته تبارك وتعالى ومن هذه أو من أبرز آيات ومن أبرز الآيات على نفوذ قضائه وقدره سبحانه وتعالى وأنه الفعال لما يريد سبحانه ومن الحكم تذكير العباد بضعفهم وعجزهم وحاجاتهم إلى مولاهم تبارك وتعالى وخالقهم في كل آن وحين قال سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا وإذا نزل البلاء وإذا نزل البلاء يحصل التميز بين أهل الإيمان والتوحيد وبين أهل الكفر والإلحاد فأهل التوحيد والإيمان في السراء والضراء يتوجهون إلى مولاهم سبحانه وتعالى بالشكر والاعتراف بالمنعم يتوجهون إلى الله عز وجل بالصبر الجميل والاحتساب عند الضراء لعلمهم بأن ما أصابهم فبإذن الله ما أصابهم فبإذن الله ولم يكن ليخطئهم وأما أهل الشرك والإلحاد يتوجهون إلى معبوداتهم الباطلة ويجزعهم ذلك أي يتسخطون على أقدار الله المؤلمة وهو الفعال لما يريد الحكيم العليم تبارك وتعالى قال سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أما حال مشرك زماننا فشركهم دائم عياذا بالله ومن حكمة الأوبية التي يسلطها الله سبحانه وتعالى على بعض الناس وعلى بعض الدول أن تكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى لمن عصاه ولمن ظلم عباده وبالمقابل تكون رحمة للمؤمنين تكون رحمة للمؤمنين وأوليائه المتقين وكفارة لذنوبهم ورفعة في درجاتهم وشهادة لهم عند ربهم فأيقن يا عبد الله بأن كل ما يقع في هذا الكون فهو بتقدير الله وقضائه وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، تعلمون جميعا ما وسمعتم جميعا ما يعيش العالم من هذا الوباء المعروف بكورونا، فنسأل الله سبحانه وتعالى وهو الفعال لما يريد، وهو الخلاق العليم، وهو رب العالمين، وهو الشافي، أن يرفع هذا البلاء عنا وأن يدفعه عن إخواننا في كل مكان. فما الموقف الشرعي، فما موقف المسلم عند نزول هذا المرض وتجاهه؟ أولا، يجب علينا إخوة الإيمان أن نعتقد اعتقادا جازما بأن لنا ربا عظيما فعالا لما يريد، ملكا مدبرا، حكيما مقتدرا، فالخلق خلقه والملك ملكه، وبيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. فالحمد لله رب العالمين، هو ملك النفع والضر، لا شريك له. هذه عقيدتنا أيها المسلمون. ثانيا، اعلم يا عبد الله، على المسلم أن يكون عظيم الإيمان في قدر الله سبحانه وتعالى وقضائه، بأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الآجال محددة، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. قال الله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو يفتح بابا للشيطان. هذه عقيدة المسلمين. ثالثا، اعلم أن هذه الفيروسات والأوبية والأمراض لا تنتقل ولا تؤذي أحدا إلا بإذن الله عز وجل وقدره وقضائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، أي تنتقل بنفسها، وإنما تنتقل بقدر الله. إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يصيب به من يشاء أصابه بحكمته وقدرته سبحانه وتعالى، كما يصرفها عما يشاء عمن يشاء سبحانه وتعالى بلطفه وحكمته. ألا ترون أيها المسلمون في البيت الواحد أن الواحد يصاب وأن الثاني لا يصاب؟ فالأمر أمر الله سبحانه وتعالى. رابعا، على المسلمين أن يأخذوا بأسباب الوقاية والسلامة، وقاية طبية ووقاية شرعية، والكثير عن الثاني غافلون. فلا تسافر مثلا إلى بلد فيه الوباء، وإذا كنت فيه فلا تغادره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه البخاري ومسلم. وعند مسلم رحمه الله تعالى: لا يريد ممرض على مصح. أيضا، نهتم بأمر النظافة واغتسال الأيدي وما ذكر. خامسا، على المواطنين والمقيمين في أي بلد أن يلتزموا بإجراءات التي تتخذها الدول لمكافحة هذا الوباء. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرفع هذا البلاء عنا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، chers frères, parmi la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il éprouve certains de ses serviteurs à certains moments, dans certains endroits, par différentes et diverses maladies, tantôt par la peste et tantôt par d'autres épidémies qui se répandent. Tout cela, et dans tout cela, il y a de grandes sagesses. Dans tout cela, il y a de grandes sagesses. Et le croyant, le musulman, c'est que tout ce que fait Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait avec science, avec pleine capacité et avec une sagesse complète et parfaite. Tout ce qui a lieu dans l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala a lieu de par sa grande sagesse parfaite et complète subhanahu wa ta'ala. Et parmi les sagesses d'éprouver ses serviteurs par ses épidémies et ses maladies, le fait de nous montrer qu'Allah est le seul Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qu'il y a entre les deux, Allah est le seul Créateur, le seul Maître propriétaire, le seul gérant, il est celui qui fait ce qu'il veut dans son royaume et sa royauté subhanahu wa ta'ala. Ces maladies sont également remplies de sagesse. Ça nous guide vers la connaissance d'un Seigneur puissant, omnipotent, faisant ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. C'est également des plus grands signes qui nous montrent la réalité du destin et de la prédestination. Tout ce qui a lieu, Allah l'a su, il l'a prédestiné, tout a été inscrit dans les tablettes préservées 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Lorsqu'Allah Azza wa Jal veut qu'une chose se produise, se réalise, il dit soit, et elle est immédiatement. Il fait ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala, et rien ne saurait le rendre incapable. Il est puissant, omnipotent et parfaitement savant subhanahu wa ta'ala. Parmi les sagesses de la propagation de certaines épidémies, il y a également le rappel adressé aux serviteurs. Ne voyez-vous pas qu'ils appellent ce siècle le siècle de la technologie? Le siècle de la technologie, ils disent tout connaître, tout savoir, ils se pensent capables, infaillibles, comme s'ils n'allaient jamais revenir vers leur Seigneur et avaient embrassé de leur science toutes choses. Et voici qu'un simple virus envoyé par Allah Azza wa Jal assujettit l'ensemble des habitants de la terre et effraie l'ensemble des serviteurs de la terre. Puis les gens se diviseront en deux dans leur comportement. Certains tenteront de combattre cette maladie par leur force et leur connaissance, et d'autres se dirigeront vers leur Seigneur en levant les mains, en implorant sa miséricorde, son pardon, et en lui demandant d'ôter cette nuisance et cette maladie. Avec ce virus, il y a un rappel au serviteur. Ce virus lui fait montrer, ô toi le serviteur, que tu es faible, une simple créature d'Allah. Tu as besoin de ton Seigneur à chaque instant, à tout moment. Tu ne peux te passer de lui, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Si Allah ne te préserve pas de la maladie, tu péris à l'instant même, mais de par sa grâce et sa miséricorde, il nous préserve subhanahu wa ta'ala. Et dans son livre, il nous rappelle, lorsqu'il nous dit, selon la traduction des sens de ce verset, « Et l'homme a été créé faible. » Et l'homme a été créé faible. Ainsi, avec ses maladies, il y a un rappel à l'ensemble. Nous sommes faibles et besogneux devant la grâce de notre Seigneur. Et lui, il est fort et n'a besoin de personne. Subhanahu wa ta'ala. Parmi les sagesses, il y a également le discernement qui se crée, qui se produit auprès des serviteurs. Certains ont la foi et unifient Allah. Certains ont la foi et unifient Allah. Et d'autres mécroient et n'ont pas foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux croyants, dans l'aisance, ils se montrent reconnaissants vers Allah. Et dans la difficulté, ils se montrent endurants devant le décret d'Allah. Quant aux autres, ils se révoltent devant le décret d'Allah. Et ils se plaignent de toute nuisance, alors que la cause est leur péché. Puis ils se dirigent vers des fausses divinités, leur implorant le secours, leur implorant la guérison. Kuffar Quraysh, Allah Azza wa Jal nous les décrit dans le Coran en nous disant que lorsqu'ils montaient en bateau sur la mer, ils invoquaient Allah avec sincérité, c'est-à-dire lorsqu'ils craignaient pour eux, lorsqu'il y avait le vent et la tempête. Puis lorsqu'ils les ramenaient à la terre ferme, ils retombaient dans le polythéisme. Ça, c'était les associateurs de jadis. Quant aux contemporains, dans l'aisance et la difficulté, ils oublient Allah et se dirigent vers des fausses divinités. Quant aux croyants, ils se dirigent vers Allah dans chaque situation. Une autre sagesse de ces épidémies, le fait que ce soit une punition pour ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et oppriment ses serviteurs. Une autre sagesse, c'est une bénédiction, une miséricorde et une expiation de péché, une élévation en degré pour les croyants, pour ceux qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela a lieu par le décret d'Allah et sa volonté. Mes chers frères, après avoir entendu cela, que tout ce qui est décrété est par la volonté d'Allah et sa sagesse, passons maintenant au second sujet. Quelle est la position que doit adopter le croyant face à cette épreuve et cette épidémie? Premièrement, nous devons avoir la foi ferme et la conviction inébranlable que nous avons un Seigneur puissant, omnipotent, parfait, sage, unique, qui décide de tout et qui décrète tout, subhanahu wa ta'ala. Et dans sa main, il y a l'ordre tout entier, la royauté tout entière. Il est le seul à pouvoir nous donner le bien. Il est le seul à pouvoir nous toucher de la punition. Il est le seul à pouvoir ôter de nous la maladie et ses effets. Deuxièmement, le croyant doit avoir une foi ferme en la prédestination et savoir que tout ce qui se produit dans le royaume d'Allah l'a été par son ordre. Ce qu'Allah veut se réalise et c'est inéluctable. Inéluctable, personne ne peut l'empêcher ni le repousser. Et ce qu'Allah ne veut pas ne se réalise pas. Ce qui t'a touché, tu ne pouvais l'échapper, ni y échapper. Et ce qui ne t'a pas touché, tu ne pouvais l'atteindre. Sache que personne ne mourra avant d'avoir consommé sa part de subsistance et après avoir utilisé tout le temps qui lui avait été accordé par Allah. Et personne ne pourra mourir si ce n'est par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ce verset, dit « Rien ne nous touchera si ce n'est ce qu'Allah a écrit. » Si ce n'est ce par quoi Allah Azza wa Jal a voulu ce qui a été prédestiné. « Wa maulana » c'est notre maître. Et c'est en Allah qu'il nous faut placer notre confiance. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit « Sois motivé, déterminé dans ce qui t'est profitable et ne te décourage pas. » Et s'il t'arrive un mal, ne dis pas si j'avais fait ceci et cela, il se serait produit ceci et cela, mais dis, c'est le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut. Parce que à dire si ceci, si cela, tu ouvriras les portes du diable. Le prophète alayhi salatu wa salam a enseigné à Ibn Abbas, Ya Ghulam, inni muallimuka kalimat, ihfadillaha yahfadk, ihfadillaha tajidhu tujahak. Ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles. Préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah, tu le trouveras toujours devant toi, c'est-à-dire préserve les limites d'Allah. Il te préservera dans ta religion et dans ta dunya. Préserve Allah, quoi que tu fasses, il t'assistera. Et sache que si l'ensemble des djinns et des humains s'unissaient pour te toucher d'un mal, ils ne pourraient le faire, sauf ce qu'Allah t'a déjà inscrit. Et pareillement pour un bien, il ne pourrait le faire sauf ce qu'Allah t'a déjà écrit. Rufiat al-aqlam, la plume a été levée et l'encre a séché, c'est-à-dire la prédestination a été instaurée par Allah Azza wa Jal, su et connu. Troisièmement, sache que ces virus et ces épidémies ne peuvent se propager si ce n'est avec la permission et l'ordre d'Allah. Il n'y a pas de contagion si ce n'est par la permission d'Allah. Le prophète alayhi salat wa salam a dit « nulle contagion ». C'est-à-dire la maladie ne peut se propager sans la volonté ni la permission d'Allah Azza wa Jal, contrairement à ce que pensaient les gens de la Jahiliya. Ainsi, vous remarquerez que dans la même maison, dans le même foyer, une personne est touchée par une maladie et l'autre n'est pas touchée. Pourquoi ? Car Allah ne lui a pas écrit cela. Quatrièmement, le musulman doit faire les causes. Les causes médicales et les causes religieuses pour s'éloigner, se préserver de cette maladie. Et beaucoup oublient les causes religieuses. Quant aux causes médicales, par exemple, ne pas voyager vers le lieu où il y a la maladie. Et celui qui s'y trouve, il n'en sort pas pour ne pas être une cause pour contaminer les autres. Au temps de la peste, ou bien au sujet de la peste, le prophète alayhi salat wa salam a dit « Si vous entendez qu'il y a la peste dans une ville, n'y entrez pas. Et si vous y êtes, n'en sortez pas. N'en sortez pas. » Ainsi, le croyant se soumet à la volonté d'Allah. Il fait les causes pour en être préservé. Et s'il est prouvé, il est patient et endurant. Il abandonne son affaire à Allah. Une autre cause, le prophète alayhi salat wa salam nous dit que la personne malade ne se mélange pas avec la personne en bonne santé. Que la personne malade ne se mélange pas avec la personne en bonne santé. Parmi les causes, le fait de se laver les mains lorsqu'il y a la cause qui appelle à cela. Cinquièmement, les habitants de chaque pays doivent observer les règles mentionnées par les dirigeants de leur pays afin de faire baisser ce mal, afin de l'éradiquer et afin de s'en prémunir. Tant que cela n'engendre pas un mal, et le tout afin que l'ensemble soit préservé autant que possible par la permission et la grâce d'Allah. Sixièmement, vous savez, ou pour beaucoup d'entre vous, vous savez qu'il y a une règle qui a été mentionnée concernant la Amra ces jours-ci. C'est que le royaume d'Arabie a interdit d'accomplir la Amra ces jours-ci. Quelle est notre position face à cela? Nous devons accepter cela avec une poitrine élargie et comprendre ce jugement qui est sage, car le but c'est de préserver les croyants. Le but est de ne pas propager la maladie. Le but c'est de purifier l'endroit afin que la Umra puisse avoir lieu et le tawaf pour adorer Allah puisse avoir lieu, afin que le Hajj puisse se dérouler dans les meilleures conditions et que le croyant ne soit pas cause de propagation de la maladie. Donc c'est une action sage. Hafidhahumullahu ta'ala. Passons maintenant au troisième volet, c'est-à-dire les causes religieuses pour se prémunir et se préserver de la maladie. Il y a des causes religieuses énoncées dans la religion d'Allah Azza wa Jal, parfaite et complète, pour se voir préservé de la maladie. Premièrement, ad-du'a, l'invocation. Allah nous appelle à l'invoquer dans le Coran et nous promet de nous répondre. Il nous dit également « Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadhna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharra'un » Dans sourate Al-A'raf, Allah nous enseigne qu'il déverse les épreuves sur les peuples et que la sagesse est qu'ils reviennent vers lui pour l'invoquer et le supplier. Ainsi, nous devons invoquer Allah Azza wa Jal. Nous devons lever nos mains vers Allah pour lui demander d'être préservé. Et ceux qui sont malades, d'être soignés et guéris. Deuxième cause, at-tawbat wal-istighfar. Se repentir à Allah et lui demander pardon pour nos fautes. Car il nous enseigne dans le Coran que la cause du mal est nos péchés et ce que nous avons avancé avec nos propres mains. Et il fut dit, le mal ne descend qu'avec les péchés. Et il n'est retiré qu'avec le repentir. Wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasana. Troisième cause, les invocations du matin, du soir, du coucher, du réveil et autres. Et parmi les invocations du prophète alayhi salat wa salam, il demandait protection à Allah azza wa jal contre les mauvaises maladies. Parmi les invocations du prophète alayhi salatu wassalam le matin et le soir, Allahumma inni as'aluka al-afwa ou Allahumma inni as'aluka al-afiya fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, jusqu'à la fin de l'invocation. Tu demandes à Allah d'être préservé. Lorsque tu arrives dans un endroit, quel qu'il soit, tu dis a'udhu bi kalimati llahi at-tammati min sharri ma khalaq. Celui qui arrive dans un endroit et dit cette parole sera préservé de tout mal jusqu'à ce qu'il en sorte. Parmi les causes, le fait de réciter Ayatul Kursi avant de dormir et au réveil, ça sera une préservation pour toi. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, jusqu'à la fin du verset. Quatrièmement, certaines nourritures et certaines boissons. À titre d'exemple, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa » لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر رواه البخاري. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit, celui qui chaque matin, ou bien celui qui au matin mange 7 dattes ajwa, des dattes connues de Médine, sera préservé en ce jour de tout poison et de toute sorcellerie. Cinquièmement, ayez une bonne opinion d'Allah et placez votre confiance en lui. Sachez qu'Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il décrète pour nous est un bien, et que c'est Ar-Ra'ouf Ar-Rahim, Al-Wadoud Al-Latif. Allah Azza wa Jal est doux, miséricordieux, et il décrète pour nous que le bien. On doit avoir une bonne opinion d'Allah et savoir que si on lui demande, il nous accordera. Sixièmement, celui qui est touché par la maladie, Afan Allah wa Iyakum, wa Shafana wa Shafakum, il se doit d'être endurant, d'être patient, de ne pas se révolter contre le décret d'Allah, de savoir que c'est par le décret d'Allah qu'il a été touché. Puis il dit inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Puis il espère la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala, et il doit savoir que tout ce qu'Allah fait est un bien. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuriduka bikhairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Si Allah te touche d'un mal, nul ne peut l'ôter, si ce n'est lui. Et s'il te veut un bien, alors il est parfaitement omnipotent. Pour finir, Ikhwan al-Kiram, j'avertis ceux qui ont la maladie de faire la radio, de propager toutes les informations qui leur parviennent, que ce soit des audios ou des écrits. Ils ne vérifient pas et ils s'empressent de propager. Ils s'empressent de propager. Ainsi, ils répandent la terreur dans le cœur des faibles. Il ne convient pas de faire cela. Le prophète alayhi salatu wassalam annonçait les bonnes nouvelles. Le prophète alayhi salatu wassalam était un homme rempli d'optimisme. Et il disait « Yu'jibuni al-fa'l » « L'optimisme me plaît » Ainsi, ceux qui propagent toutes sortes de messages pour effrayer la population, ils sont en tort et ils agissent mal, en contradiction avec le Coran et la Sunna. Cette épidémie, elle est très petite chez Allah Azza wa Jal, et Allah est parfaitement capable de la repousser, subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas exagérer dans la considération de la maladie. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين اللهم يسر لنا العمرة إلى بيتك الحرام اللهم يسر لنا الحج إلى بيتك الحرام اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين واقض الديون عن المدينين اللهم إننا نسألك العفو والعافية اللهم إننا نسألك العفو والعافية إنك أنت على كل شيء قدير وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. À l'époque de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, alors qu'ils étaient en direction de Bayt al-Maqdis suite à son ouverture, ils ont reçu l'information qu'il y avait al-Ta'oun, la peste, sur leur chemin, qu'une ville avait été touchée par la peste sur leur chemin. Alors Omar ibn al-Khattab a consulté les sahaba, les compagnons, et les a réunis. Certains étaient d'avis qu'il fallait endurer et avancer. D'autres étaient d'avis que faire cela était volontairement s'avancer vers sa propre perte. Omar ibn al-Khattab n'a cessé de consulter les compagnons radiallahu anhum. C'est alors que Abu Ubaïda radiallahu anhu est arrivé et a dit: j'ai une science sur ce sujet, ya Amir al-Mu'minin. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous êtes ou si vous entendez que la peste a sévi dans un endroit alors que vous êtes à l'extérieur, n'y entrez pas. Et si la peste sévit dans un endroit alors que vous êtes à l'intérieur de celui-ci, n'en sortez pas. Puis il s'est réjoui de ce hadith et l'a mis en pratique. Et il leur a dit de prendre un autre chemin. C'est alors que certains lui ont dit: Afiraran min al-qadar ya Amir al-Mu'minin, min qadarillah. Souhaites-tu fuir le décret d'Allah, ô toi le responsable des croyants? Il a dit: Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Radiallahu anhu. Il a dit: je me sauve du décret d'Allah vers le décret d'Allah. Je me sauve du décret d'Allah vers le décret d'Allah. Allah a décrété la peste dans cet endroit. Ben moi, je vais faire les causes pour obtenir la préservation d'Allah en n'entrant pas dans cet endroit-là. Et ça fait partie du décret d'Allah, le fait de faire les causes pour ne pas être touché. C'est ainsi que les compagnons à leur époque ont été touchés de cela. Certains sont même décédés de cela. Certains sont même décédés de cela parmi les imminents compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et il y a le hadith qui dit que celui qui décède de cela décède martyr. Celui qui décède de ses maladies, il décède martyr. Et c'est arrivé à certains parmi sahaba radiallahu anhum. Donc il faut observer le juste milieu dans cette question. Ni on exagère et on donne à cette maladie au-dessus, yani plus que son rang, et ni on la minimise en s'avançant nous-mêmes à notre propre perte. Et l'islam est la religion du juste milieu d'entre l'ensemble des voies, tout comme les gens de la sunna sont dans le juste milieu, au milieu de l'ensemble des gens s'affiliant à cette religion. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Il y avait beaucoup de monde, donc on encourage les gens à dépenser afin qu'on élève cette mosquée, et on demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre de pouvoir y prier et d'éloigner de nous toute maladie. Aussi, il y a un homme qui est venu et il souhaite embrasser l'islam, qu'il soit la bienvenue. On invoque Allah en sa faveur afin qu'il le guide à la vérité et affermit sa langue pour prononcer la parole de vérité. Comme vous le savez tous, celui qui souhaite embrasser l'islam doit prononcer l'attestation de foi, qui consiste à dire: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ce qui signifie: j'atteste, je reconnais, je témoigne qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et j'atteste et je témoigne et je reconnais que Muhammad est le serviteur d'Allah. Celui qui embrasse l'islam, il purifie son cœur de le rattacher à toute créature en dehors d'Allah. Il ne prend aucune divinité pour l'adorer si ce n'est Allah. Car Allah est son seul créateur, son seul pourvoyeur, son seul maître. Aussi, il reconnaît la prophétie des prophètes et des messagers passés. Que ce soit Noé, que ce soit Ibrahim, que ce soit Isa, Jésus, Moïse, Moussa et tous les prophètes et messagers. On les reconnaît tous, et particulièrement le dernier d'entre eux, Et le prophète Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, on reconnaît que c'est le serviteur d'Allah, on ne l'adore pas. Mais c'est le messager d'Allah, on ne le dément pas. Au contraire, on croit en lui, on le suit, on emprunte sa voie. Aussi, il nous faut savoir que Isa alayhi salam, Jésus n'est pas le fils d'Allah, ni le troisième de trois. On ne lui donne donc pas le culte, ni on attribue à Allah un enfant. Mais Isa est plutôt le serviteur d'Allah et son messager et son miracle. C'est aussi le fils de Maryam, cette femme pieuse, cette femme pure, radiallahu anha. Si tout cela est compris, je vais vous dicter l'attestation de foi. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Nous remercions Allah, celui par la grâce duquel les bonnes œuvres se concrétisent. Comment est-ce que vous vous appelez ? Comment ? Tony. Tony. On remercie Allah Azza wa Jal, celui qui a guidé notre frère Tony à l'islam. On le félicite et on lui souhaite tout le bien. On demande à Allah de lui accorder le bonheur dans ce bas monde et l'au-delà, ainsi qu'à nous-mêmes et nos proches. Wa sallallahumma barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Et même s'il y a le coronavirus, je vais t'embrasser et te féliciter. Bienvenue à toi dans notre mosquée, la tienne. Sois la bienvenue. Félicitations. Barakallahu fik.